me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement toujours de l'exo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, marche! Vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur RIG, la radio de Johnny Hallyday tous les mercredis soirs. RIG FM 90.7 sur Bordeaux et le RIGFM.fr sur Internet. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 10 juin 2020, pour écouter, assister du moins à une émission particulière. Évidemment, le mois de juin, c'est le mois où on fait un peu de tout sauf un album de la semaine. C'est des lives, c'est des thèmes originaux et tout ça. Et le thème du jour, aujourd'hui, voilà, on va essayer, on va diffuser des duos de Johnny et de Eddie Mitchell. Le Schmoll, le grand pote de Johnny Eddie, son meilleur ami, comme il a dit il y a une période, dans les années 90. Et on va retrouver donc des duos qu'ils ont pu faire aussi bien sur scène qu'à la télévision et aussi en studio. Nous allons aussi écouter quelques titres qu'ils ont eu en commun, mais nous n'écouterons que la version de Eddie Mitchell, bien sûr. C'est Johnny Hallyday est à l'honneur tout le long de l'année. Mais juste avant d'attaquer cette émission Johnny et Eddie Mitchell, aujourd'hui nous fêtons le 20e anniversaire de Johnny Hallyday à la Tour Eiffel. C'était le 10 juin 2000 et Johnny nous offrait un spectacle formidable. Alors, devant combien de spectateurs? Ah, c'est une bonne question. Entre 500 000 et 800 000 on parlait, hein. Donc, eh bien, écoutez, on va arranger le coup, on va dire 800 000. C'est beau 800 000, n'est-ce pas? C'est beau, c'est beau. Et pour commencer cette émission, on va écouter Je suis né dans la rue. Et après, on reviendra à ce fameux duo de choc Johnny et Eddie Mitchell. Bonne soirée à toutes et à tous. Vous écoutez Johnny de A à Z, ici et nulle part ailleurs. C'est sur RIG. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin 1943, moi je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Moi je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. Je suis né dans la ville où les murs sont surgelés. Derrière un terrain vague où se trouve l'étonné. Dans un berceau de fer, je devais grandir. Ne vous le pas si je ne sais pas sourire. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue, dans la rue. Et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Parce que je suis né dans la rue. J'ai dû me battre pour avoir la fille que j'aimais. J'ai dû me battre encore plus fort pour la garder. De tous les côtés de la ville on les cherchait. Mes freins se sont serrés depuis le nez pas changé. Je suis né dans la rue, moi je suis né, tu sais, dans la rue. chez les rois. On choisit mes amis, tu sais, les meilleurs qui soient. On va même faire changer, mais c'est une cause perdue. Vous perdez votre temps, moi je retournerai à la rue. Parce que je suis né, né dans la rue. C'était le 10 juin 2000 et n'oubliez pas que le 12 juin sortira le concert en CD et en DVD du Parc de Sceaux où Johnny donnait son anniversaire. Donc c'était le 15 juin 2000 et donc vendredi 12 juin, vous aurez droit à cet album intitulé Happy Birthday. Revenons un peu à l'émission de ce soir, au thème de ce soir, les duos Johnny et Eddie. Johnny a chanté plusieurs duos ensemble, hein. C'est justement, c'est avec Eddie que Johnny a chanté le plus de duos. Et aussi, ils ont aussi chanté des chansons communes. Pas sur un album, eux, chacun sur un album de leur côté. Vous connaissez tous donc Eddie Mitchell, bien sûr, de son vrai nom Claude Moine. Et il est très proche, il était très proche de Johnny Hallyday depuis la fin des années 50. Johnny et Eddie se rencontrent la première fois en 1957 au snack bar de la gare Saint-Lazare, le QG de la bande de la Trinité. Ils échangent des disques de rock'n'roll et Eddie est fasciné par les 45 tours de Lee Hallyday importés des États-Unis et introuvables en France. Très vite, Schmoll et Jojo font les plus belles heures du golf de Rouault et ne se quittent plus. Eddie Mitchell écrit quelques chansons pour Johnny, comme la chanson Comme un lion en hiver en 1972 sur l'album Country Folk Rock, hein, souvenez-vous. Carte postale d'Alabama en 1982, Messaisan en 1983, et il est l'artiste avec lequel Johnny a le plus chanté à la télévision, à la radio et sur scène. Ils les ont chantés ensemble au Golf de Rouault, aussi on l'a retrouvé, ensemble au Printemps de Bourges en 1985 pour un concert à deux voix, resté dans les mémoires. En 89, lors de la première tournée des Enfoirés. En 93, sur la scène du Parc des Princes et se retrouver donc lors des dernières dates sur Paris de l'un ou de l'autre, bien entendu. Et seul Eddie Mitchell appelait Johnny par son vrai nom et prénom, Jean-Philippe Smet, pour me vanner, disait Johnny. Dans ce cas, Johnny répondait du tac au tac, tais-toi, Claude Moine. Et voici maintenant un petit dialogue, un dialogue de Johnny et Eddie Mitchell. C'était lors du dernier Bercy en 2017. Ils discutaient à propos de certains disques, il me semble. Hein. Et vous savez que Johnny et moi, on se connaît donc depuis très très très longtemps. Mais au tout début, ça ne s'est pas très très bien passé. Oh, tu vas pas raconter cette vieille histoire encore. Je veux que ton public l'apprenne. Tu radotes. Non, je m'explique. Il y avait une surprise party dans laquelle j'avais amené mes disques. Oui, il y a ouais. Bien longtemps. Hein. Oui. Et tu t'en souviens. Et à la fin de cette surprise party, j'essaye de récupérer mes disques. Ah, rien. Je descends et là, qu'est-ce que je vois dans la loge de la concierge? Mon camarade en train de lui dire, bah écoutez, vous pouvez me les garder, j'en passerai les prendre demain. Ouais. C'est du propre. Ah oui, tu peux être fier. Hein. Tu peux être fier. Bon, enfin, tu as oublié quand même de dire que, tu sais, je recevais des partitions des parents de Lee Hallyday qui m'a élevé, de Tulsa dans l'Oklahoma. Mm-hmm. Les partitions de rock'n'roll. Eh bien, monsieur, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait chez moi, il me les piquait. Et d'ailleurs, ma tante qui m'a élevé, elle disait, fais attention, hein, il va te voler, il va tout te voler, il veut faire ton métier, il veut te piquer ta place. Elle avait du nez. Pierre, je vais te scellérer en tes disques. Merci. Tout d'abord, il y a Elvis, hein. Il y a Little Richard. Monsieur Eddie Cochran. C'est pas n'importe quoi, hein. Ah, il avait bon goût. Ah ouais. Dis donc. Ouais. Pourquoi il y a marqué derrière la pochette « Ce disque appartient à Françoise Hardy » Ça n'aurait pas fait une pierre de coups? Non, non, à mon avis, c'est... Comme je les ai piqués à toi, à mon avis, c'est toi qui as dû le piquer à Françoise Hardy. Ah bon, bon, bon, elle ne m'en voudra pas. Et puis, enfin, M. Bebop à Lula, ah. Gene Vincent. Ah. L'ex-Beatle John Lennon disait que le rock and roll était mort le jour où Elvis Presley faisait le jihad près de Francfort. Certains disent que le King Vieto dans une île cachée, un endroit sûr. J'espère pour lui qu'il est bien mort. 28 ans sous terre, ça serait trop dur. On veut des légendes à consommer toute près de sur commande. Grâce à nos marchands d'illusions. Les hommes politiques l'ont bien compris. Ils promettent de beaux lendemains. Une fois au pouvoir, ils nous oublient. Ils disent les sphères n'occupent de rien. Ah, et on attend toujours le génie, celui qui sauve, loyal et bon. On peut faire une croix sur ce Messie. Y'a qu'un Jésus digne de ce nom. On veut des légendes, en étant mort qu'on en redemande, quitte à entrer en religion. Les sectes nourrissent nos illusions. On veut des légendes, des légendes. veut des légendes figurer sur l'album Jambalaya de Eddie Mitchell, sorti en 2006. Et Johnny fit deux duos, même un trio avec Little Richard, qu'on écoutera un peu plus tard au cours de cette émission. Le prochain duo qu'on va écouter de Johnny et de Eddie, c'était en live en 1993. Musique, s'il vous plaît, ça met un petit peu de temps à venir, ouais. Au Parc des Princes, souvenez-vous. Oui, moi je m'en souviens bien, hein. Eddie arrive sur ce titre-là. Et ils interprètent ensemble, excuse-moi partenaire, vraiment un très très beau duo et quelle complicité. Excuse-moi partenaire, oui de venir à toi, mais c'est celle que j'aime qui danse entre tes bras. Excuse-moi partenaire, paraître froid, mais tu sais, on s'est disputé tous les deux. Son cœur disait c'est fini, ses pleurs ont suivi. Oh, suivi. Excuse-moi, partenaire. Excuse-moi partir de te parler comme ça, mais ces quelques pleurs me sont chers. Mais tu peux dire en regardant ses yeux qu'elle ne pense pas à tout ça. Mon ami, temps de presser la cloche-cœur depuis l'année. S'il en reste encore, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell au Parc des Princes en 1993. Et il me semble bien que c'est la seule fois où Johnny a repris un titre en direct d'un invité qui était Eddie Mitchell, bien entendu. Je vous ai promis donc des duos de Johnny Hallyday et de Eddie Mitchell ce soir, mais aussi on va écouter des chansons communes aux deux, mais qui n'ont pas chanté ensemble, mais qui ont chanté chacun de leur côté sur un album. Le premier titre qu'on va écouter, ce sera Blueberry Hill. Johnny l'a repris en 1962 sur Johnny Hallyday Sings America Rock Hits, et Eddie Mitchell a repris ce titre-là, mais en version française. La colline de Blueberry, c'était sur l'album La Dernière Séance en 1977. On écoute ça tout de suite, Eddie Mitchell en solo. Sur la colline de sur un rocher, la petite ville de Blueberry Hill, depuis tant d'années, HLM des buildings, 600 implantés, des vieux promoteurs rusés, ont tout fait raser. Le monde hostile. On découvrira encore quatre autres titres de Eddie Mitchell reprenant une chanson en commun avec Johnny Hallyday. Johnny Hallyday a chanté en duo avec Eddie Mitchell, mais des fois en trio. Il y en a un qui s'insérait, et puis c'était le cas dans une émission de Maréty Gilbert Carpentier. C'était le numéro 1 Michel Sardou du 24 juin 1978. Et à eux trois, reprenez un standard de Johnny Hallyday, La musique que j'aime. Vous écoutez l'émission Johnny de A à Z, ici, il nous parle de Érigé. Oui, elle chante ce soir à Genève. Alors le quartier baiser, oui, Genève, bon baiser. Chez toi, toi. Oh. Chez toi, Patrick. Et là, c'est quoi, là? C'est le blues, là? Regarde les vieux qui mettent leurs lunettes. Oh, on non. Voit rien. Oh. Toute la musique que j'aime, ça, c'est le blues. Ouais. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. C'est vrai? Pour exprimer ce qu'est le blues, yeah. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Même avec les lunettes, oui. Alors. Et tout ça, voyez-vous, eh bien, ça devient du blues. C'est comme je vous le dis. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Yeah. Il y a longtemps, sur des guitares, tes mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Vivra, oui, tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime. Crie pas si fort, dis-à-dire. Attends, fais pas. Oui, que j'ai mal à en crever. Ça, ça. Je pleure, mais je chante quand même, là. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de blues. Les mots ne sont jamais les mêmes, jamais les mêmes, pour exprimer ce qu'est le blues. Orchestre, peintre, sang, orchestre, instrumental et un deux, en change de cavalière, mesdames les trois cloches, merci. Mesdames et messieurs, monsieur Hallyday, monsieur Sardou et moi-même ont eu le plaisir de vous interpréter les trois cloches. En attendant, madame Sheila va nous faire quelques notes de son secret. Mes joies, j'y mets mes peines. Oh yeah. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Il lit ses paroles. Et je le chanterai, oui, toujours. Il y a fort longtemps, ça, je parle de ça il y a très longtemps, sur des guitares, des mains noires, voyez-vous, lui donnait le jeu. Oh. On chantait les peines de l'espoir. Pour chanter Dieu. Et puis la mure. La mure, la mure, la mure. Le bleu, ça veut dire que je l'aime. Quand même, voyez-vous, c'est ma prière pour te garder toute la musique que tu j'aime. Et elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Mais je fais toujours le même texte dans cette chanson. Pour exprimer ce qu'elle blues. Il a le blues, il a, c'est lui qui l'a. Toute la musique qu'il aime. La musique qu'il aime, il l'a dans la peau, il l'a pas dans le dos, dans la peau. Il l'a dans la peau, il l'a dans la peau. Et puis il chante la fille du soir, la fille du soir, la fille du soir, la fille du soir qui croyait l'avoir perdue, c'est déjà, mais qu'il l'avait retrouvé et qu'il va maintenant la chanter, la fille du soir, parce qu'il a quitté chez lui. Rock and roll. On retrouve encore le terrible duo Johnny et Eddie. C'était lors de la première tournée des Enfoirés en 1989 et le titre Le bon temps du rock'n'roll. Je t'aime. Un nouveau trio à présent. Extra album Jambalaya d'Eddie Mitchell. Voici Elle est terrible avec Little Richard, le feu directeur. Regarde un peu, celle qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle aguiche mes amis, même les plus petits. Pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, waouh, elle est terrible. The street. There's a car made just for me. To own that car would be a luxury. My dollar can't even afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from thinking to myself. That car's fine looking, man. It's something else. Hey. Regarde un peu cette voiture. Fait pour moi, et il doit faire me rouler avec ça. Mais quand je pense au prix de l'essence, je perds subitement l'envie de me la payer. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, waouh, elle est terrible. Look at there, what's all of this? Never thought I'd do this. She's sure fine looking, man. She's something else. Oh! Sur RIG, si vous venez d'arriver, hein, maintenant, vous assistez à une émission spéciale duo John Hallyday et Eddie Mitchell. Mais aussi, nous avons quelques chansons reprises ou chansons communes avec Eddie ou avec et Johnny, évidemment. On va écouter un titre de Eddie Mitchell figurant sur l'album Soir Road Memphis. C'était en 1976. Et c'est le titre Zero Rock'n'Roll. Johnny l'avait interprété sur l'album Destination Vegas en 1996 sous le titre Jolie Petite Rock'n'Rolleuse. Et c'était une chanson de Chuck Berry, Sweet Little Rock'n'Roller. Voilà, vous savez tout à présent, mais connaissez-vous la version de Eddie Mitchell? Tu es à toutes les sauces, des poils du ménage. c'est bon tout ça, ça c'est bon ça. Vous écoutez Érigé et l'émission Johnny de A à Z. Et dans les duos de Dee Mitchell et de Johnny Hallyday, on retrouve beaucoup des standards américains chantés par les pionniers du rock comme Chuck Berry, Little Richard, Gene Vincent, Eddie Cochran et évidemment Elvis Presley. C'est le titre qu'on va écouter et la voix d'Elvis en duo avec Johnny Hallyday. C'était lors de l'émission que je retrouve le palmarès d'Eddie, c'était le 11 novembre 1980 et il y avait aussi Gérard Depardieu qui s'était incrusté sur cette chanson-là. Et voilà, on reprend la chanson Good Rocking Tonight et ça devient Et la voix d'Elvis. Rock. m'arrêter. Je vais ouvrir mes chansons en tête et je ne vais oui que passer. Prêt à m'offrir sa première ou sa dernière chemise. Et il y a sûrement quelque part une terre promise. Je suis chez moi là où on m'aime, moi je suis un étranger. De trois entrailles de fil en ville, je finirai bien par trouver un pays vivant en dehors du temps, très loin des planètes grises. Il y a sûrement quelque part une terre promise. Et je chante plus de chansons que vous en avez écoutées. Et dans ces jardins où mille parfums, toutes les fleurs me disent: viens, rejoins-nous à présent dans la terre promise. Oh oui, je cours toujours après l'amour, mais la vie va me rattraper. La terre promise n'est pas toujours là où l'on croit bien la trouver. Et dans ces jardins où mille parfums, toutes les fleurs me disent: viens, rejoins-nous à présent dans la terre promise. Je ne sais pas m'arrêter. Un ami perdu dans un bar qui voit porter le temps. La terre promise n'est pas toujours là où l'on promet à la trouver. Il y a sûrement quelque part une terre promise. De Elvis Presley de 1973, d'une chanson de Chuck Berry, c'était Promised Land, une terre promise version Eddie Mitchell et la terre promise version Johnny Hallyday. Eddie Mitchell a écrit quelques chansons pour Johnny, dont la prochaine qui s'intitule Mes 16 ans. Johnny l'a interprétée sur son album Entre violence et violon. Et il me semble que Eddie l'a reprise celle-ci sur l'album suivant, c'était Racine l'année suivante. Je vous dirai ça une fois que le titre sera passé. Voici tout de suite Mes souvenirs, Mes 16 ans. C'était lors du Champs-Élysées du 15 octobre 1983. Bob Street. Well, Bob Street. Amour. l'année n'était déjà plus jeune premier. L'arrivée d'un Presley l'avait détrôné. Jim Vincent pleurait en chantant Baby Baby Blue. On aimait tout ça et passait pour les fous. Écrit par Eddie Mitchell donc reprit cette chanson, l'enregistra l'année suivante en 1984 sur l'album Racine avec des paroles légèrement modifiées, et on retrouvera ce duo là un an plus tard avec l'orchestration de l'album Racine, et Johnny participait pour chanter cette chanson aussi, Mes souvenirs, mes saisons. À présent, on va retrouver Eddie Mitchell sur l'album Dieu bénisse le rock and roll en 1972. Eddie Mitchell reprenait une chanson Bobby McGee de Chris Christopherson. Johnny Hallyday reprenait ce titre là Bobby McGee, 3 ans plus tard, en 1975, sur l'album Lettre à Promise. Voici Eddie Mitchell en solo. Une version tout à fait différente de celle de Johnny. Au cœur gris de la ville, assis sur un banc, le temps passe tout comme mon jean. Il passe moins vite que le temps d'avant. Je mariais les villes à mes chemises. Moi je parle autant de langues que j'ai vécu d'années, autant de blessures que le ciel a d'étoiles. J'ai suivi les étoiles lorsque je voyageais avec Bobby McGee à mes côtés. Pourquoi faire? Et sur elle j'ai tout joué comme à la loterie. Il n'y avait qu'un cœur sur le tapis. Quand un jour et moi et ma Bobby McGee, j'ai dormi dans les bières de tous les bars du monde jusqu'à l'heure où les gens font la vie. Et ce qu'elle cherchait comme une enfance. Je changerai l'avenir pour un seul jour passé avec Bobby McGee Nous sommes à présent à Genève. Venez-moi, nous étions à Genève le 26 avril 2007. Lors d'un concert d'Eddie Mitchell. Il y a un ami qui vous est cher. Et qui compte énormément dans mon cœur et dans ma vie. On se considère comme des frères. Et on a bien raison. J'ai le grand plaisir de vous présenter mon ami de toujours, son Jean-Philippe Anou, Monsieur Johnny Hallyday. Ça fait plaisir de vous retrouver. L'hôpital Jeunesse me disait que le rock and roll était mort. Michel Giraï, pas de France. Certains disent que le King Viego dans une île cachée à l'endroit sûr. J'espère pour lui qu'il est bien mort. Quand fut en sous terre, ce serait trop dur. Illusion, Et la suite arrive. Voilà la suite de Genève. Un titre qu'ils adorent chanter ensemble à chaque fois qu'ils se voient. Well, she's a girl in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Le 26 avril 2007, Johnny et Eddie Mitchell sur scène, interprétés On veut des légendes et Bebop Alula. Nous sommes le présent en 1982. Johnny, enfin, c'est le Formule 1 plus 1 de Eddie Mitchell sur TF1, l'émission de Mariti et Gilbert Carpentier. C'était le 21 mai 1982. Johnny et Eddie Mitchell reprennent le J'ai oublié de vivre, version donc de Johnny Hallyday, bien entendu, bien entendu. On écoute ça tout de suite. Ici, mais par ailleurs, érigé, l'émission Johnny de A à Z. À force de briser dans mes mains des guitares, sur les scènes violentes, sous des lumières bizarres. Pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps, à force de laisser la sueur brûler. j'entends les cris qui viennent du ghetto. À force d'être indien, Hells Angels sous bohème, l'amour dans une main, et tu sais, et dans l'autre la haine. Tu as oublié de vivre, c'est toi aussi, hein. Commune d'Eddie Mitchell et de Johnny Hallyday, c'est le titre de Chuck Berry, Rock and Roll Music. Johnny l'a interprété sur l'album Alléluia en 1965 sous le titre Rock and Roll Music, que Eddie Mitchell a repris ce titre-là sous le titre J'aime le Rock and Roll en 1971 sur l'album Rock and Roll. Mais ça va être une version live qu'on va écouter. Extrait de l'album Rockin' Nashville à l'Olympia. Voici tout de suite J'aime le Rock and Roll. Yeah! C'était pour mieux le revenir. Rockin' in Nashville à l'Olympia. C'est un album que je vous conseille également d'écouter de Eddie Mitchell. Vraiment, c'est un album excellent. À présent, on revient au duo de Johnny Hallyday et de Eddie Mitchell. Numéro 1 de Johnny, c'était le 11 juin 1977. Johnny Hallyday interprète le titre Sur la route de Memphis. Et on voit tout de suite un chanteur qui, comme moi, a la passion du rock'n'roll et du country. Monsieur Eddie Mitchell. Et nous l'a proposé. Oui. C'était le disque jockey dans la voiture qui le traînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Et la radio lui vantait un truc débile qui l'endormait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Il vient vers toi, tu l'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure pour la route de Memphis. La route de Memphis. À la place du mort, un chien loup lui jetait un regard un peu fou. Sur la route de Memphis. Sur la route de prendra ce titre en solo à Las Vegas lors de l'Aladdin Theater en novembre 1996. On va retrouver Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Isabelle Boulay, un trio. C'était lors de l'émission Noël au Canada le 24 décembre 2004. Ils interprètent le titre Les Bot Blues. Les impôts, leur clairvoyance, leur multitalent, leur polyvalence. Ouais. Avec une interprétation moyenne de Johnny, hein. Pas à l'aise du tout. Moi je les aime. monsieur que j'aime, elle vient de là, tu sais, elle vient de blues. C'est ça. Les mots ne sont jamais les mêmes. Qui sait pour exprimer ce qu'est le blues? J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Formule 1 plus 1 maintenant. C'était le 14 mai 1982. Johnny Hallyday interprète le métier que Johnny allait interpréter au Palais des Sports de Paris, ce fameux 82. Celle qui vient. J'ai la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle a guiffé mes amis, le réfugié. Elle n'est pas la prétention d'exister. Et tout ce qui ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, elle est terrible. Sur terre. Travailler pendant l'été pour gagner une misère. Oui, au téléphone quand j'appelle la vie que je préfère. Mon patron me dit t'as du travail à faire. Enfin, je me demande qui va m'empêcher. Rencontrer la fille de l'été dernier. Et l'an passé au week-end, tiens plus noir. Et elle habite au 37e étage. 1982, et pour l'émission Jeudi Bravo, c'était le 31 décembre 1982. Johnny et Eddy Mitchell interprètent le titre Carte postale d'Alabama. Bien, bonsoir, mon cher ami. Bonsoir. On se repose. Bien, oui. Mais pourquoi donc? Je ne sais pas. Bon, enfin, me dis pas que tu as travaillé cette année, quand même. Oh, un petit peu. Bon, bah, t'as fait le Palais des Sports. Bon, le Palais des Sports, tu l'as fait quand? J'ai commencé. Quand d'ailleurs? Oui, le 14 septembre. Mais oui, tout le monde s'en souvient. Jusqu'au. Bah, tu le sais bien, parce que tu es venu chanter un vieux refrain avec moi le 11 novembre. C'est vrai, ça fait beaucoup de temps, tout ça. Hein. Beaucoup de temps, 2 mois, ouais. C'est éprouvant. Ah oui. Et toi, tu pars en tournée quand? Non, parlons d'autre chose. Non, je suis ravi de t'offrir un petit peu de repos. D'ailleurs, pour participer, je veux dire, à ces ébats, j'ai invité quelques amis. Je crois que ça te fera plaisir, tu les as pas vus depuis un bon moment. Et puis ça va t'obliger à travailler un petit peu, ça peut pas te faire de mal, ça te conserve en forme. Non, effectivement, j'ai vu mes musiciens. Et ben voilà. Mais c'est pour toi. Non, c'est pour nous. Comment pour nous? Ben, c'est-à-dire toi et moi. Yeah. Costa Albana était une reprise d'une chanson des... voilà, ça y est. The Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd. À présent, nous allons retrouver Eddie Mitchell en 1963 sur l'album Eddie in London. Il reprend une chanson de Little Richard, Ready Teddy, et Johnny avait fait de même sur, en 1964 sur son album Johnny Revient, les rocks les plus terribles. C'est la version d'Eddie Mitchell qu'on va écouter tout de suite. Hey, go, man, go, as-tu droit la tête, rock and roll, tu brûles la vie par les debout. Tu es toujours sans le sou. Remets-toi, deviens quelqu'un. Ne sois donc pas mon ami. Rock and roll. Les copains ne t'apporteront rien. La jeunesse est ton seul bien. Il te faut lutter si tu veux gagner. Il ne faut pas toujours amuser. Ready, rock and roll. Les copains ne t'apporteront rien. Le soleil brille pour chacun. Même l'amour sera bien. Venir te voir un jour prochain. Ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, rock and roll. Mango, as-tu droit la tête? Rock and roll. À l'instant donc, Eddie Mitchell avec Ready Teddy, de son album Eddie in London en 1963. Johnny et Eddie ont fait des concerts aussi ensemble, hein, vous souvenez-vous, hein, évidemment, des Vieilles Canailles en 2014 et en 2017. Donc c'est un moment où on va retrouver ces deux dates-là. Les Cactus jouent pas de rock'n'roll pour moi, Bebop Lola encore une fois, et Couleur Mantelot, ce sont les titres qu'on va retrouver. Et avec la présence de Jacques Dutronc, mais non, Jacques Dutronc, nous l'entendrons pas pendant ces diverses chansons. Voici tout de suite Les Cactus, une chanson donc de Jacques Dutronc. Johnny et Eddie sur RIG dans l'émission Johnny de Hazard. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe, aïe. Dans les cœurs, il y a des cactus. Dans leur portefeuille, il y a des cactus. Sous leurs pieds, il y a des cactus. Dans leurs gilets, il y a des cactus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Pour me défendre de leurs cactus, à mon tour, j'ai mis des j'ai mis des cactus. Et dans mon slip, j'ai mis des cactus. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. We'll be right back. Cactus, version 2014. C'est un titre qui n'était pas chanté en 2014. On le retrouve en 2017 lors de cette tournée, cette dernière tournée de Johnny Hallyday avec les Vieilles Canailles. Nous n'avons plus rien à nous dire. Oh non, plus dur que tu crois. Oh ça je sais. Mais le doute et la folie marchaient à tes côtés. Tu oses parler de ton retour et de nos souvenirs. Avec une voix qui grince comme un 45 tout usé. Chaque mot est un mensonge à travers un sourire. Oh, yeah. Nous n'avons plus rien. Sourire de la vengeance sur les lèvres, les bras croisés sur le cœur qui battent tous ensemble, les yeux tournés vers l'horizon, nous sortent les rêves. Tu hurleras tes mensonges dans le vent. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Oh, je sais, je te sers pas de souvenir. Joue pas de rock'n'roll pour moi. À vous, je sais. Vous remarquerez le même chorus que Cliff Gallop, des Blue Cats, de Jim Vincent. C'est merveilleux, quoi. She's the one that walks around the store. She's the one that yells, "Mama!" Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I love me, baby. Bebop-a-lula, she is my baby doll. Johnny Hallyday et Eddie Mitchell en duo. Pour un autre duo ensemble, une chanson d'Eddie Mitchell, Couleur Mentalo, ici, sur RIG, dans l'émission Johnny de A à Z. Couleur Mentalo, version 2014. C'est un petit côté mélodramatique, mais ça permet au chanteur de se reposer la voix un peu, vous voyez. Oui, oui. Donc on peut faire tourner l'intro comme ça. Elle était maquillée, un star de ciné, à côté au jukebox. Chercher du regard un spot, le dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus. Bien sûr, elle ne m'a pas vu. Perdu dans sa mégalo. Moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie. En frôlant le flipper, la chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Tomber, arrêtant le flipper. excellent duo, hein, que ce, cette fille couleur Montalo. L'émission touche bientôt à sa fin et il nous reste encore deux titres à écouter dans cette émission Johnny de A à Z spéciale duo Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Eddie Mitchell avait interprété le titre Et maintenant de Gilbert Bécaud en 1966. Son album Seul Johnny, lui, reprit cette chanson de Gilbert Bécaud en 2009 lors de son tour 66 au Stade de France 2009 par exemple et aussi en province. On va écouter tout de suite la version d'Eddie Mitchell. En répétition. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'a dû faire? Qui revient pour rien, mon cœur qui bat, pour qui, pourquoi, pour qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire, vers quel néant sera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais à terre sans toi ce petit. Tous mes amis, soyez gentils, vous savez bien. C'était une curiosité, voilà, version bossa nova, comme disait Jean, de Et maintenant de Gilbert Bécaud. C'est vrai que les paroles prennent un sens tout à fait différent, hein, de ce qu'on peut connaître aussi de la version de Gilbert ou de Johnny Hallyday. Dernière chanson que nous allons écouter ce soir, donc dernier duo Johnny Hallyday et Eddie Mitchell sur l'album La Même Tribu qui est sorti en 2017. Johnny offrait un dernier duo à Eddie Mitchell sur le titre C'est un rocker. Tu sais, parfois, la vie me réserve des choses drôles. Les gens oublient, puis redécouvrent le rock and roll. Ou bien n'importe quoi, qu'importe le sujet. Les gens des œufs de moi, c'est un rock. Ah, c'est un roll. Pourtant, dans le cœur, il y a aussi le moqueur. Et le mode rétro avec ses wap to wap, qui a touché dans ma tête et chanté près de moi, c'est un rock. Et les rollers, l'avenir, le passé, changer. Les chanteurs de cadence ou sexeuses hésitants me regardent enchantés, disent d'un air horrifié, c'est un rock. C'est un roller qui est une brutalité dans ses pantalons. C'est... Si je bois dans un bar trois ou dix verres de trop, quelqu'un tue une bagarre, les gens crient aussitôt, c'est un rock. Si je traverse la rue en négligeant le bras du flic près du feu, les gens disent de moi c'est un rock. Ah, c'est un roller. Il n'a aucun respect pour les gardiens de la paix. Dans un dîner de soir, qu'importe ma tenue, les snobs diront de moi, c'est un rock. Oui, c'est un roller. L'estomac d'un rocker se limite au cheeseburger. Ouais. Les faux intellectuels, journalistes étroits s'emparent de ma musique pour écrire de moi, c'est un rock. Hey. De fric, les escrocs promoteurs me font des grands sourires. Je reste franc-tireur, je suis rock. Je suis un roller. Je chante ce que je veux à l'instant où je le veux. Merci Johnny et Eddie. Restez sur cette émission Johnny de A à Z spécial duo Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, puis aussi quelques chansons et reprises communes Johnny et Eddie Mitchell. Merci encore à toutes et à tous d'avoir assisté et participé à cette émission sur Facebook et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Oui, Johnny, bien entendu. On parlera du parc de Sceaux, on parlera aussi de Johnny 69. À bientôt, bonne nuit à toutes et à tous. Ciao, ciao!